Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? T'as voulu jouer fine avec la vie. Mais attends, tu me disais, c'était bien, est-ce que l'on voulait changer d'air, partir plus loin sans penser au lendemain et gravir les hauts sommets qui nous font encore vibrer, mais pas sur le même chemin. On a tous un lendemain, ok pour moi. Si tu joues l'indifférence à travers la transparence, ok pour moi. Ok pour moi. Si tu laisses cette histoire comme ça, ok pour moi. Si le temps efface un peu tout ça. Hier encore, tu riais, dans tes yeux brillaient tous nos projets. Finalement, qu'est-ce qui te reste? Pas vraiment tout ce que tu voulais. Changer d'air, partir plus loin sans penser au lendemain et gravir les hauts sommets qui nous font encore vibrer, mais pas sur le même chemin. On a tous un lendemain, ok pour moi. Si tu joues l'indifférence à travers la transparence, ok pour moi. Ok pour moi. Si tu laisses cette histoire comme ça, ok pour moi. Si le temps efface un peu tout ça, si tu joues l'indifférence à travers la transparence, ok pour moi. Ok pour moi. Si tu laisses cette histoire comme ça, ok pour moi. Si le temps efface un peu tout ça.